guerre, c'est la misère qu'il y avait sur terre. La beauté dans ton planète bleu, plus rien n'était pareil. Des cadavres gisaient partout, victimes de la folie humaine. Ils voulaient la paix, on lançait cette sale guerre nucléaire. Au départ, les États-Unis croyaient que l'Irak possédait une armada, armes chimiques, le globe voulait dominer. L'ONU voulut régler cette crise de façon diplomatique. Tempête du désert humilié, les USA ne voulaient plus. Aveuglés, ils arrêteraient une fois Saddam disparu. Tout échoua, pression pour parler politique. L'état-major américain envoya ses avions furtifs. Bagdad fut la première ville bombardée, femmes, enfants tués. Les choses dégénérèrent, alliances et pactes se formèrent. Après ce fut bombage, bomba, neutrons, missiles, bactéries, bombes solaires aux photons. Les champignons atomiques poussèrent partout dans le monde. La nature, créature mutante, était devenue féconde. Le stade de l'horreur très vite fut dépassé. Pour les survivants, c'est l'enfer qui commençait. Jeu de guerre. Qui veut la paix, prépare la guerre, ils croient toujours bien faire. Même méthode, y'a que les époques qui diffèrent. Les hommes blessés dans leur chair à travers les temps solidaires. Yeah, jeu de guerre. Qui veut la paix, prépare la guerre, ils croient toujours bien faire. Même méthode, y'a que les époques qui diffèrent. Les hommes blessés dans leur chair à travers les temps solidaires. Yeah, jeu de guerre. Dans la journée, fallait rester abrité. Des rayons du soleil, on devait protéger. La couche d'ozone avait totalement disparu. Des rayons ultraviolets, plus de garants non plus. Pense, c'est seulement le soir qu'on pouvait sortir chercher à manger. Les gens étaient capables de tuer pour la moindre denrée. L'eau potable était devenue rare et valait cher. Se procurer, fallait être capable de tout faire. Autre économie, le troc régnait en maître. Y'avait moins d'hommes bons que des félons et des traîtres. Ce sont les forêts, les plaines, les rivières du passé. On n'entend plus les chants des oiseaux que tout le monde chérissait. Ce qui est le plus stupide, c'est qu'à l'époque l'Irak bluffait. Mais en arrière, malheureusement, on peut pas retourner. Tout était gris et sale dans un décor mort et triste. On vivait dans un cadre infecté, virus immondice. C'est le péché qu'on avait fait, qu'on devait expier. Il faut être conscient qu'un jour tout se paie. Qui veut la paix, prépare la guerre, ils croient toujours bien faire. Même méthode, y'a que les époques qui diffèrent. Les hommes blessés dans leur chair à travers les temps solidaires. Yeah, jeu de guerre. Qui veut la paix, prépare la guerre, ils croient toujours bien faire. Même méthode, y'a que les époques qui diffèrent. Les hommes blessés dans leur chair à travers les temps solidaires. Yeah, jeu de guerre. Je regarde autour de moi, tout est foutu, sans dessus dessous. Paysage apocalyptique. Mes yeux piquent à cause des produits chimiques. Je respire mal, même l'oxygène est devenu toxique. Je vis un lendemain de guerre atomique. Y'a plus de couleurs solides, celles sont gris. Fini l'époque où on nommait la terre la boule bleue. De toute façon elle est grise, y'a plus de vert. Un désert, nature néant, tout est ravagé. Rien à se mettre au bide, bouffe walou. Tellement j'ai faim, je pourrais manger mon voisin. Les jours passent mal, on devient cannibale. On bouffe tout, même la dépouille des morts. Partout règne désolation, ce n'est pas une fiction. Un cauchemar que ma vie finisse, j'en ai marre. Les pseudo-êtres humains qui sont ici sont les cafards. Nous sommes les survivants de la troisième guerre mondiale. Victimes de nos dirigeants, autant les présidents. Ils ont fait joujou, guerre, on est tous perdants. J'aimerais Aïssa, aussi Aïssa, pouvoir... Aïssa, oh, réveille-toi, il est l'heure là. Y'a la balance ouais, ouais, à 14 ouais, ouais, soir, purée Aïssa. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, c'est Aïssa. Oh putain, hey, tu sais quoi, j'ai fait un cauchemar. Putain, laisse tomber, je te dirai après le concert.